sont comme les deux doigts de la main, c'est ce que j'entendais dire. C'est ce que tout le monde pensait quand on nous entendait rire. Rien ne pourra nous séparer, c'est sûr. Bien trop fier pour hurler au secours. Sous les patates, j'ai vu un frère ennemi se tourner les pouces. Trêve ou bien frère, peu importe. Dans les deux cas, l'amitié a fini raide dans les cordes. Je m'interroge, laisse place à la déprime. Où était le psy quand ma mère était en plein collapsus? Sous l'adultère, j'enquête toujours de savoir où qu'était l'oseille pour le radiateur à l'hiver. La nostalgie, tu la payes, le daron s'en bat la race de moi. Pense qu'à blinder sa retraite, amour de ma vie, t'étais où, hein? Quand j'ai plongé mes larmes de sky pendant que toi, tu t'as joué cool. Je compte plus les spiffs rouler autant que les promesses. Quand la nuit tombe, je laisse mon 06 à la droite du père. Brique sur brique, véridique, je me fais seul. T'étais où quand je rappais seul dans l'armoire quand j'avais pendant seul, pas mal d'années, t'as été un exemple. Malgré que ma mémoire flanche, vinyle et pute, non, n'oublie pas, c'est comme tes samples. Ghetto sera le retour de bâton. Toi, tu faisais quoi pendant que mes lettres passaient dans les mains des matons? Le jour où je me suis rendu compte à propos de ma mère, au lieu de ne pas y toucher, j'ai plongé ma rage dans un verre. Ce simple verre est devenu rapidement une bouteille. À qui la faute si notre sauce Low X est butée? T'étais où toi lorsque j'avais besoin de me confier? Quand ces fils de pute voulaient me gonfler? Scar, tu sais de qui je parle, pas besoin de schéma. J'ai pas eu de soutien quand Lucie est passé chez moi. Entouré, mais au fond toujours seul, je l'ai toujours dit, toujours écrit. Et quand j'aborde ce thème, ma vie est toujours grise. Que mes vrais boucs ne se sentent pas visés. Quant aux autres, on se croisera, j'espère pour vous que j'aurai baptisé. Les genoux à terre, les yeux vers le ciel. Tout puissant, t'étais où quand dans les poches de la daronne y avait plus de grains de sel? Seul, avec les potes dans le tir, car mon love, t'étais où quand l'acné m'a frigé des coca? Plus aucun sens et plus aucun goût. N'avait d'élèves après qu'elles aient squarté un peu partout. Des voix lacrymales transformées en torrent. T'étais où bordel quand la faucheuse l'a prise au tout? Vous étiez où quand mon cerveau pétait un câble? Quand la famille me tournait le dos, que j'avais les larmes quand je passais à table. Je me demande souvent qui est vraiment derrière mon dos. Lequel des poteaux pour moi serait prêt à aller à l'hosto? J'avais le seum tant que Cupidon a troqué son arc de l'œuf sur le sonar. J'aurais fini par donner mon âme. T'étais où quand j'avais la rage? Quand pour seul pote j'avais ce sac de sable accroché au garage. Ils sont comme les deux doigts de la main, c'est ce que j'entendais dire. C'est ce que tout le monde pensait quand on nous entendait rire. Rien ne pourra nous séparer, c'est sûr. La sincérité de nos liens nous paraissait si pure. Seulement les choses ne se passent jamais comme on veut. Tu m'as laissé en galère, voyant ma vie se transformer en calvaire vieux. C'est le cas de le dire, car faire le lâche ne te ressemble pas. Seul à l'agonie au bord du gouffre, t'étais où toi?